fais tout dans le mélange. La vie, ça s'apprend pas dans les livres. Tu sais, y'a des démons, y'a des anges. Des fois, j'gamberge solo dans 3 litres. Faut faire avec tout ce qui te dérange. J'suis passé à l'orange, derrière y'a les chemines. Faut se mettre en règle, c'est B contre courant. 2-0-20, poteau, ça va vite. J'regarde la lune par le toit ouvrant. Elle a fait le broche et le plomb platine. Elle veut me faire jurer, c'est saoulant. Elle me croit pas que j'ai fait le double platine. J'suis dans la zone, dans le vaisseau. D'avoir un saut de l'alcool dans les vaisseaux. Elle fait sa folle, elle va tes sauts. Elle veut tes sous, que tu gères un réseau. J'suis dans la zone, dans le vaisseau. D'avoir un saut de l'alcool dans les vaisseaux. Elle fait sa folle, elle va tes sauts. Elle veut tes sous, que tu gères un réseau. J'suis dans le vaisseau. J'suis dans le vaisseau. J'suis dans le vaisseau. J'suis dans le vaisseau. J'suis dans la zone, somme colossale. J'suis dans le vaisseau, la saïque trossa. J'me rappelle mom, un polo sale. Déterminé, j'voulais la testa rosa. J'suis dans la zone, dans San Mochino. Ils m'ont mis transport, mais c'était ma conso. J'suis dans la zone, en Valentino. J'convergeais même pas au single de Roro. J'suis dans l'album, j'suis pas dans l'acting. On est dans l'action, un peu comme les Galactiques. 600 000 albums, ce n'est pas du factice. Maintenant elle revient me voir, elle me fait son jeu d'actrice. J'suis dans la zone, dans le vaisseau. Devant un saut de l'alcool dans les vaisseaux. Elle fait sa folle, elle va tes sauts. Elle veut tes sous, que tu gères un réseau. J'suis dans la zone, dans le vaisseau. Devant un saut de l'alcool dans les vaisseaux. Elle fait sa folle, elle va tes sauts. Elle veut tes sous, que tu gères un réseau. J'suis dans le